ane pa sensere, ane si la se pire, ane pa sensere, ane si la se pire, ane pa sensere, ane si la se pire, ane pa sensere, ane si la se pire. La 80 yo lo ben ben wa, wa, wa coupe, wa. Yo pas pense si n'a pas vet mon sa. Yo pas pensé si m'da pas vite comme ça. Allons t'entendre du grand haut. Bon t'entends comme ça, comme ça, comme ça. Yo pas pensé si m'da pas vite comme ça. Yo pas pensé si m'da pas vite comme ça. Yo pas pensé si m'da pas vite comme ça. Ane pas se serel, ane si la se pirel, ane pas se serel, ane si la se pirel, ane pas se serel, ane si la se pirel.